Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! André Maillet disait que c'est long à venir une civilisation et que c'est long à crever. Communication. Voilà un mot bien utile qui, avec son petit frère confiance, sont les deux grands piliers de toutes les civilisations. Sans l'un, comment partager? Et sans l'autre, à qui partager? Les deux vous ont fait défaut. Parfois l'un après l'autre, parfois en même temps. Et cela a été, au final, le début des problèmes à chaque fois. Du complot des militaires aux accusations de vol, en passant par l'invasion du Cadio Market et le temps tendu passé avec la communauté du musée. Mais tout cela semble aussi faire défaut à d'autres. Dans la confusion, la panique et l'urgence, alors que de sombres accusations étaient dirigées vers lui, AJ s'est jeté tête baissée, et vous, suivant, dans le but peut-être idéaliste, peut-être libérateur, de faire de Miami une ville vide de toutes les goules qui rôdent dans les rues. Oubliant de ce fait de prendre la géographie des lieux en compte, se rendant compte bien trop tard que l'extermination d'une horde a mené charbon droit sur votre foyer. Maintenant, accompagné des frères Place, de ce même AJ et de Patrick, après un voyage tumultueux à cause de nombreux détours et de faux raccourcis, vous vous arrêtez une dernière fois lorsqu'enfin votre destination vous apparaît droit devant. Le musée est aux prises avec une mer de cendres, de chair, de bave et de sang. Le mal semble encore être tenu à l'extérieur, en apparence en tout cas, et des fenêtres, vous pouvez voir quelques individus défendre du mieux qu'ils peuvent les lieux. Qui est à l'intérieur? Qui est à l'extérieur? Qui est en vie? Qui est mort? Ces questions traversent vos esprits. Et comme une bénédiction tombée du ciel, le talkie-walkie à la ceinture d'AJ crache ses premiers sons depuis que vous aviez quitté les lieux. Lui qui s'était fait si silencieux, augurant du pire. Vous entendez alors Raznov, le patriarche du musée, répétant ces mots. Il y a quelqu'un? Terminé. Il y a quelqu'un? Terminé. Qu'allez-vous donc lui répondre? Qu'allez-vous décider de faire? Bonne chance et adieu. AJ, réponds. Dépêche-toi. AJ se jette sur son talkie-walkie directement et il appuie sur le bouton... on est là, terminé. Qu'est-ce que c'est? Putain, merde. Y a un passage? Enfin, est-ce qu'on peut... On voit s'il y a quelque chose ou une entrée possible ou... Eh bien, à ceux qui veulent se concentrer sur déjà regarder les environs donc, du musée, je vais demander donc un jet de Alors quelles sont mes capacités déjà d'attention? Les autres peuvent s'intéresser à la discussion de Talkie Walkie pendant ce temps et y participer. Donc à vous de décider ce que vous voulez faire. Moi je regarde Driver pour l'instant. Je regarde un peu comment Driver réagit, c'est sur quoi elle focus et en fait je vais la suivre. Je suis un peu déboussolé. Honnêtement, je suis un peu perdu aussi. Désolé. Et honnêtement, non mais c'est jeu, honnêtement, vous savez que je t'observe et je te vois tout aussi perdu que moi et du coup je ne ferai pas le jet parce que je suis plus concentré sur le fait qu'on soit perdu pour l'instant que sur le reste. Ah, moi, je teste déjà. Est-ce qu'on peut avoir un récap de la situation exactement? De qui est où, etc. Je vais profiter du résultat donc de nos camarades qui, enfin, de vos compagnons de survie qui sont des réussites pour vous dire donc que la situation est donc que vous étiez à bord des deux fameuses Twingo de voyage que vous aviez utilisé donc pour aller jusqu'au centre commercial, le faire sauter et revenir. Là, vous êtes soit à l'intérieur, soit vous êtes sorti et vous regardez ça d'un peu plus loin. Mais vous êtes face, en gros, à la zone un peu éclaircie, sans trop de bâtiments autour, du fameux musée, qui était un peu en bord de plage. Pas directement au bord de la plage, mais dans ce genre de zone un peu plus large, pour ainsi dire. Et le musée est entouré de la fameuse horde à moitié brûlée que vous aviez déjà rencontrée et qui vous avait délogé du Casio Market. La situation est donc la suivante. Ils semblent vous avoir repéré ou pas? Non, ils ne semblent pas vous avoir repéré. En effet, aux fenêtres, vous voyez au moins une personne aux fenêtres du musée qui s'occupe déjà d'essayer de tirer dans ce qu'il peut et les bruits les attirent, enfin les attirent leur attention. Et pour répondre à la question originale donc de Ed, il ne semble pas y avoir spécialement de zone plus éclaircie qu'une autre qui vous permettrait de rentrer sans avoir à se taper. En tout cas à votre distance. Ensuite... On peut regarder s'il y a une voiture. Une voiture? Bah on en a deux nous. Bah vous avez vos deux voitures, si tu veux être plus précis. D'accord. Et dans nos voitures, il y a des lecteurs CD ou quoi? Oui, il y en a. Quoi, tu veux faire de la musique, quoi? Tu mets très, très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une voiture, on l'aura su, je l'allume, je pars vers vers cette horde. Il y a de la place pour prendre la route ou pas? Oui, il y a de la place. Cependant, avant que tu fasses cette action-là, parce que comme tu faisais déjà l'action d'observer, tu peux pas le faire immédiatement, mais je prends en compte le fait que c'est ce que tu vas faire dès que j'aurai terminé de parler. On est d'accord. Donc pendant que vous observiez, Autokiwolkis a continué à discuter. De l'autre côté, pour ceux qui n'étaient pas en train d'observer, donc Driver et Cinda. C'est bien Cinda? Je suis pas sûr. À chaque fois, je me... Oui, Cinda, oui. C'est Cinda. Voilà. Vous entendez donc Razneuf de l'autre côté qui indique, enfin qui dit simplement: ah, vous êtes enfin là, on est assez mal, j'imagine que vous pouvez vous en rendre compte. J'ai déjà fait sortir la plupart d'entre nous. Ils ont pris certains des véhicules. On doit être 5 peut-être encore à l'intérieur. 4 peut-être, me comptez pas exactement, je suis plus dans le meilleur des états. On l'entend quand il parle ça? On entend, nous on l'entend Ouais, vous l'entendez, mais vous pouvez pas réagir immédiatement vu que vous êtes sur l'observation. D'accord. Ceux qui peuvent réagir immédiatement, c'est Driver et Cinda. Donc. Ok, d'accord. Terminé. On peut faire. Est-ce que vous avez une idée, un plan? On a encore un des véhicules qui est libre, un petit van qu'on a justement dans le parking souterrain. Le problème, c'est qu'on peut pas spécialement s'y rendre vu que ils commencent à y tomber les uns après les autres. Terminé. J'imagine qu'on pourra pas s'y rendre non plus, du coup. Je serais pas trop dire. On a fermé la porte qui mène au parking souterrain pour être sûr que qu'ils soient pas trop nombreux à remonter à l'intérieur. On a un autre problème aussi, c'est que les jeunes sont plus trouvables. Terminé. Les jeunes ? Les enfants et je crois un des gars de votre groupe. Ils sont pas partis avec le reste, ils sont quelque part dans le bâtiment, mais je suis pas en état d'aller chercher et les autres se défendent aux fenêtres. Et votre musée imprenable, il y a pas, vous avez pas un truc de secours, un plan de dernière urgence que vous auriez pu prévoir, un accès, quelque chose comme ça, genre le toit, le, je sais pas ce qui. Vous avez quelque chose ? On peut grimper sur le toit, oui, mais on n'a pas d'hélicoptère pour la Suisse. Terminé. Non mais. J'avoue que ça a une bonne humeur. non, dans le sens où que nous, on peut vous rejoindre et vous aider. Je peux pas vous aider là-dessus, terminé. Pour ce qui est des autres, je considère que vous pouvez commencer à parler si vous voulez. Ou... Je fais vraiment la chose que je vous ai fait. Moi, j'arrive, du coup, je dis, bon, écoutez, a priori, il n'y a rien, on ne peut pas y accéder, c'est complètement saturé, ou alors le seul moyen serait de foncer dans le tas, je sais pas, mais... Enfin bref, et qu'est-ce qu'ils ont dit comment ça se passe pour eux de leur côté, et comment va la petite? Ça se passe très mal, mais ils essayent de tenir, et quant aux enfants, ils sont avec des gens de notre groupe, mais ils sont pas restés avec eux, ils sont ailleurs. Quoi? Dans le bâtiment. Ils sont dedans? Ils sont dedans. Enfin, du moins, à ce qu'ils en savent, ils sont dedans. C'est juste que je suppose que ça va être un coup des Melrose ou quelque chose comme ça, mais ils ont pas dû avoir confiance et ils sont pas restés groupés. On est avec vous, les gars. Vous nous avez demandé de venir. C'est vrai, excuse-moi. Ah, ça va, il y a eu un mois là qui s'est passé, le temps de ce trajet. C'était incroyable. je reviens en arrière. Zut. Alors, non, attends. Il y a qui est resté? Vraie question. Il y a le vieux, ouais, il y a... Ouais, bah c'est... À l'intérieur, ouais, à l'intérieur, il y a Eric, ouais. Bob et Kali, donc, de votre groupe. Ok. Ouais, bah ça va être un coup de... Bah, d'Eric ou Bob qui ont pas dû se sentir en sécurité. Enfin, ouais, non, mais en confiance. Ils ont pénétré à l'intérieur. Ils ont réussi à tenir la zone stable ou... Les marcheurs sont... À la limite, à ce que j'ai compris, ils commencent à s'introduire, mais ils arrivent à les repousser. Ok. Faut rentrer à l'intérieur. Je sais pas comment, mais faut y aller. Côté. Dites-moi. Vous pouvez tenir combien de temps à l'intérieur, a priori? En termes de vivre et surtout en termes de défense, est-ce que vous avez un risque que la horde pénètre à l'intérieur et vous envahisse? Difficile à dire, mais c'est un musée et ça n'a pas été pensé pour avoir des portes fortifiées. Enfin, c'est... Ok, parce c'est... que j'avais une idée en tête, mais un peu folle, mais pour vous sortir de là, on pourrait toujours trouver un bâtiment un peu plus loin, un bâtiment assez haut, et tenter de tirer soit une espèce de corde ou de construire une espèce de structure, un échafaudage, n'importe quoi, qui permettrait de passer du haut de notre bâtiment à vous. Une espèce de grappin ou un truc comme ça pourrait faire l'affaire et essayer de nous aménager une voie de sortie de toit de bâtiment en toit de bâtiment jusqu'à un endroit plus safe pour le reste du groupe pour descendre. Je sais pas si c'est envisageable, mais si vous voulez le faire, faites-le. Terminé. Jay, il nous reste des explosifs? Non, rien du tout. Putain. Et qu'est-ce qu'on a comme arme là? On a quoi comme... On a sur nous, simplement. Est-ce qu'il y a des grues en ville? Peut-être. Là, là, si tu regardes, est-ce que tu en vois une? Enfin, cependant, donc, je vous interromps parce que pendant que vous discutez, donc, vous entendez donc le moteur de la petite Twingo donc en train de s'allumer, et vous voyez donc Alexios commencer à rouler avec solo dans sa Twingo en direction de la. Mais qu'est-ce qu'il faut? En direction du musée. Je mets un bon gros death metal. Je lève le son et je fais. Allez, on se retourne au balala, les gars! Et je pars dans une direction à côté des marcheurs et je pars dans une. Je vais faire que dans une autre trajectoire pour qu'ils essayent de me suivre. Je vais te demander un jet de chance. Je pousse dedans. Il est cinglé celui-là. Un petit 50 avec un moyen en chance. Non, tu peux pas faire plus moyen que 50. Hein. Ouais. Donc, Alexios, tu pars donc en direction pour frôler cette horde avec le son le plus bruyant que tu as pu trouver vite fait dans les CD qu'il y avait dans la Twingo. Alors, il n'y a pas de death metal. Désolé pour toi. Mais il y avait un petit truc un peu rock, donc t'as fait du mieux que tu pouvais, t'as mis le son à fond. Et tu as roulé donc dans leur direction, essayant du mieux que tu peux d'attirer, j'imagine, l'attention d'un maximum d'entre eux, faisant même rugir le moteur quand tu le pouvais. Et je prends mon flingue aussi, je tire des fois quelques balles pour qu'ils me suivent. Ah oui, carrément, d'accord. Donc tu tires en l'air, tu fais du mieux que tu peux pour en attirer plus, et tu commences donc à rouler. Tu roules à toute vitesse ou tu roules doucement pour aller pour t'éloigner ensuite d'eux? Je roule à... moyenne vitesse. Et je commence à accélérer quand... T'as envie de prendre une des options que je te donne, j'ai compris. Si je vais à moyenne vitesse, il rentre dans la bagnole, c'est bon, je suis fini, moi. Donc tu te mets donc, et une fois, après les avoir roulés, tu te mets à rouler dans le sens, enfin en repartant loin d'eux, mais pas dans la direction de tes amis, j'imagine, pour emporter avec toi du mieux que tu peux une partie de cette horde de charbon. Et c'est assez efficace, il faut le dire. Certains d'entre eux se détachent du groupe, alors ça n'amène pas la moitié de la horde, ça n'amène peut-être même pas un quart, mais ça permet une éclaircie dans le groupe qui commence à te suivre et qui commence donc à s'écarter du reste. Maintenant, combien de temps ça va tenir? Combien de temps avant qu'il ne se fasse réattirer par les coups de feu qui sortent du musée? Bonne question. Du coup, quand on voit la foule la horde qui s'ouvre un petit peu, laissant peut-être un passage un peu plus praticable, c'est on a vu sur quoi en fait? Quand je regarde droit devant moi sur l'ouverture qui s'est créée, je vois quoi? Eh bien, en regardant dans l'ouverture qui s'est créée, tu peux voir, ça s'est pas fait directement sur une porte ou quoi que ce soit, mais il y a une entrée possible. Enfin, si tu avais envie d'aller tout droit et de te jeter dans les fameuses gouttières, enfin les fameuses remparts naturels qu'il y avait autour du musée, celles qui menaient au parking souterrain, ce serait faisable. Ok, je cours direct. Je réfléchis même pas, il y a la petite, je sais pas où elle est, je fonce direct, c'est la seule ouverture que j'ai. Quoi. Donc, voyons Alexios décamper, vous voyez très rapidement ensuite Ed décamper à toute vitesse. Et je vais donc vous demander, Driver et Cinda, si vous le suivez. Moi je crie en même temps, je suis solidaire. C'est maintenant ou jamais, c'est la seule ouverture qu'on a, allez suivez-moi. Ça me fait très peur et honnêtement j'ai une fraction de seconde de doute, hein. J'ai une fraction de seconde de doute et je vous prie d'attendre que mon doute se résout. Mm-hmm. Driver, n'hésite pas à le commenter en même temps, histoire comme ça. Bien sûr, on n'avait rien prévu, donc j'avoue que c'est... Ouais. Je pense que je vais communiquer et je vais leur dire « Alexios, ça crée une ouverture, vous la voyez ?» donc toi tu décides de rester sur place et de discuter à la radio, c'est ça? Ouais, j'avoue que là je me sens pas de... Moi, je suis dans parti bat à la main. Eh bien, okay. J'avoue que de mon doute, quoi qu'il en soit, peu importe le résultat, genre j'ai littéralement fait... genre j'ai avancé d'un pas, je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai... Tu sais, il y a vraiment senti que tu savais pas ce que je faisais, et quand je vois que Driver reste là, je reste là. Je laisserai pas Driver seul maintenant. Ed, tu pars donc à toute vitesse, décampant avec ta batte de baseball, prêt à frapper la première chose qui se mettra sur ton chemin, et prêt à te jeter vers le parking souterrain. Tu es accompagné derrière toi donc de AJ et Patrick. Ok. Les frères Place, eux, sont restés avec Driver et Cinda. D'accord. Donc tu cours à toute vitesse. De ton côté, Driver, donc de l'autre côté de la radio, ça répond. Ouais, on voit quelque chose, mais ça va pas durer longtemps, terminé. Vous voulez tenter quelque chose? On peut suivre les gars qui sont déjà partis si vous voulez. Vous voulez tenter de libérer quelques personnes, au moins une partie On peut essayer ce que vous voulez, on va essayer de garder l'ouverture ouverte. Terminé. Ok, dans ce cas-là, je propose de tenter un truc. C'est qu'on... Et je le dis à la fois suffisamment fort pour que les gens autour de moi entendent, enfin en tout cas moi en Cinda. C'est qu'on essaye de, entre guillemets, bloquer les côtés avec deux voitures. Enfin non, il y a un seul côté du coup où il y a des zombies, de l'autre côté c'est ok. Ou c'est vraiment en mode Moïse à travers la mer, sauf que de deux côtés il y a des zombies. C'est un peu plus Moïse, mais il y a une éclaircie assez large qui s'est faite grâce à Alexios. Peut-être qu'en balançant des voitures au milieu, on pourrait tenter de gagner un petit peu de temps. Les zombies vont... Enfin, ça fait un obstacle, quoi, à parcourir. Après, bon, ça fait des voitures en moins, quoi. Mais après, j'imagine que récupérer des voitures en ville, c'est pas ce qui manque, non. Je sais pas si les voitures, généralement, on les pique ou si on a les clés, mais... Vous avez une Twingo qui vous reste. Oui, du coup, oui. Ok, bon, je vais vous laisser y réfléchir, vu qu'a priori vous n'êtes pas trop dans l'urgence, alors qu'il y en a certains qui y sont un peu plus. Ouais, non, c'est là, il n'y a pas de plan. Donc Ed, tu cours à toute vitesse et tu commences à entrer dans ce qui était la horde. Tu es toujours un peu dans l'éclaircie, tu essayes du mieux que tu peux d'éviter les zones où ils sont 2, 3, 4, comme ça. Essayer de leur passer entre les bras quand ils sont seuls. Je vais te demander... un petit jet d'effort, car là il s'agit de course prolongée maintenant que t'as fait là, donc c'est même plus une question de dextérité, c'est une question de tenir le rythme. Là je suis à 43 en très bon. 43 très bon. Oui. Ah là, là okay. Je suis dans mon élément, force et effort, c'est pas en moi. Et constitution. Tu as mis ta force d'athlète, tes talents d'athlète au profit de ta charge héroïque, et tu arrives à garder un rythme régulier et surtout à pouvoir l'interrompre au moindre moment pour t'arrêter, faire un détour à gauche, un détour à droite, éviter les tentatives de t'attraper et de repartir à la même vitesse, d'absolument pas te faire bloquer. Tu es suivi derrière toi donc de AJ et Patrick, qui font du mieux qu'ils peuvent, bien entendu, ils sont pas aussi avancés que toi, mais de toute manière ta priorité est surtout à avancer tout droit. C'est de toute manière, c'est toi qui mènes la charge. Et tu finis par arriver très proche du parking souterrain, et tu arrives en face de ce parking souterrain, de ce trou qui fait tout le tour du musée, et à l'intérieur, en y jetant un premier coup d'œil, je ne sais pas si tu te jettes directement à l'intérieur... Non, mais je regarde quand même avant de sauter. Hein. Il y en a quand même quelques-uns à l'intérieur. Ils ont commencé à s'entasser à l'intérieur, à tomber. Et ils ne sont pas une centaine, t'es pas face à une espèce d'élevage de morts-vivants... où ils sont remplis comme dans un poulailler, mais il y en a quand même quelques-uns. Tu auras peut-être la chance de te mouvoir à l'intérieur si tu y sautais, mais il faudra obligatoirement se battre. Écoute, de toute façon, je suis là pour Kali, je sais pas, on sait pas où elle est, moi, c'est ma raison de vivre, hein, quelque part, donc si elle meurt, Voilà. Ok. Je vais donc... Donc tu vas y sauter ? Ah bah là j'ai pas le choix de toute façon, c'est ça ou... Très bien. Tu te jettes donc du mieux, de la manière la plus efficace que tu puisses faire, dans ce parking souterrain. Tu ne sautes pas de très haut, il n'y a pas en réalité qu'un étage de différence. Et touchant donc le goudron de tes pieds, tu es directement aux prises avec une de ces choses. Coup de batte. Coup de batte. Je vais donc te demander un G de force. Tandis que la chose décharnée, dont le visage est à peine visible, à moitié déchiré, à moitié recouvert de ses longs cheveux, fait du mieux que tu peux pour te mordre directement à la jugulaire. Je fais un petit parallèle, mais lorsque je vois les personnes disparaître les uns après les autres dans les sous-sols, etc., je tiens au courant des positions de tout le monde, du coup, comme ça, histoire de peut-être qu'ils croisent les informations et tenter des moves de leur côté aussi. Évidemment. Voilà. C'est 76, très bon. 76, très bon. Ok. Et... Oula, 76. Ah oui, quand même. Okay. Bah, très bon. Oui, très bon, évidemment, évidemment. Donc, tu, de ta batte de baseball, tu lui mets directement un coup, ce qui lui arrache le reste de visage qui lui restait, et le fait tomber en arrière. Petite curiosité, cependant, il n'est pas mort, même s'il n'a plus la capacité de mordre, il continue à se débattre, mais tu es maintenant libre de son emprise et tu te remets à avancer, j'imagine. Oui. Tu avances du mieux que tu peux, et tu entends derrière toi donc les sauts de tes compagnons, qui sont sûrement derrière toi, pas très loin. Je vais te laisser un petit moment pour aller du côté d'Alexios, qui a donc quitté les lieux toujours au volant de sa Twingo sur une musique rock. Je vais te demander quel est ton plan. Mon plan, c'est de trouver un stade de baseball qui est pas très loin pour pouvoir aller allumer les haut-parleurs et mettre de la musique. Alors, aussi pour pouvoir les attirer. Eh bien, tu connais un peu la ville et je peux t'assurer, on en avait déjà parlé d'ailleurs la dernière fois, c'est que le seul stade qui n'est pas loin et plus ou moins à 20 minutes d'ici. En comptant en tous fait. Les détours et tout ça qu'il faut faire, ce serait sûrement plus rapide là, si il y avait encore les lois de la circulation, mais là c'est plus le cas. Là j'ai une question à te poser. Vu qu'il n'y a plus aucun bruit dans la ville, on met des haut-parleurs et qu'on les pousse à fond, ils vont entendre quand même. Vu que ça peut faire écho avec le bâtiment et tout ça. C'est loin, en effet. Ok, je continue à tirer. Je regarde si les autres débiles me suivent. Je continue à tirer jusqu'au stade. Ok, donc tu pars pour 20 minutes. Par contre, je me garde le chargeur, on sait jamais si j'ai besoin de... Ok. Je me défends. Alors, je dis, je suis obligé de le dire pour que ce soit clair, mais... Étant donné l'urgence de la situation, si tu pars pour 20 minutes de route, il y a peu de chances que je te refasse jouer avant un petit moment. Voilà, je te dis juste ça pour que je le sache. Oui, t'inquiète. Voilà, très bien. Non, mais comme ça, je parce que comme tu es du côté des gens qui sont restés sur place, ça va se passer très vite, sûrement. Donc, tu fais de ton mieux pour faire un maximum de bruit, tirer et faire en sorte que les autres continuent à te suivre et peut-être même, pourquoi pas, d'en attirer un peu plus de ceux qui étaient restés sur place ou en tout cas de les rendre un peu plus confus. En tout cas, c'est dans cette virée héroïque que sûrement tu as grandement facilité les choses, au moins à Ed, pour aller sauver Kali et peut-être les autres personnes qui sont sur place. L'avenir nous le dira. Du côté de Ed, de Cinda et Driver et les Place, est-ce que vous restez toujours sur place? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Le check-up de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la voiture exactement, voir ce qu'on pourrait utiliser à profit. Alors, à l'intérieur de la voiture, mis à part les armes que vous avez directement sur vous qui sont placées dans vos fiches au niveau inventaire, il se trouve des manches à balai. Dont les fameux manches à balai dont je vous avais parlé, ceux où ils ont on accroche des couteaux ou qu'on taille au bout ou quoi que ce soit, ils en avaient quelques-uns à l'arrière de la voiture qui restaient. Et mis à part ça, les sièges de voiture si vous voulez les décrocher, mais... Est-ce qu'il y a genre des même pas de cordes, de la bouffe, des gourdes à dodo. Non. Okay. Beaucoup d'essence dans le réservoir. Est-ce qu'il y a de quoi retirer l'essence, un bidon, un truc? Le moins avait de chance, tiens. Ok. Bon, cela, moi j'indique ma position, c'est que comprenant qu'on va camper un peu ici, le temps d'essayer d'aider du coup du mieux qu'on peut, moi je me mets un peu en sécurité, c'est-à-dire que je reste proche de Driver et je surveille quand même les alentours, qu'il n'y en a pas un qui arrive par surprise par l'arrière ou un truc comme ça, quoi. Il fait 15 en chance alors que c'est plus moyen. Ok. Eh bien, tandis que Cinda donc fait du mieux pour sécuriser la zone, pour être sûr que rien ne vous arrive par derrière ou quoi que ce soit, Driver, en fouillant un peu, tu trouves en effet un bidon dans la partie qui est sous le sol du coffre. C'est le genre de truc qu'on soulève et il y a un peu plus de place. Eh bien, il y avait un bidon là-dedans. Ok, d'accord. Donc maintenant, si je veux faire quelque chose, tu peux me le dire. Pour l'instant, je continue de tenir les autres au courant. Mais j'y réfléchis. En fait, pour l'instant, on fait un peu pont extérieur-intérieur, quoi. Genre, notamment sur la position de Ed, sur le fait qu'il arrive, tout ça, donc il s'apprête à... Enfin, je suppose, enfin, moi je dis à Driver en tout cas de... Qu'est-ce que je vois par rapport à ça, histoire de... Que si Ed arrive à aller jusqu'à là-bas, qu'il puisse rentrer, qu'il se retrouve pas coincé comme ceux qui sont repoussés, quoi. Très bien. Bah, très bien. Du côté, donc, de Ed, je vais revenir à toi. Donc tu continues ta progression dans cette espèce de parking souterrain qui n'est pas très obscur que ce soit, vu qu'il y a des ouvertures de tous les côtés. Donc ta progression est simple, pour une question visuelle en tout cas. Pour ce qui est du reste, t'as un peu de mal à les éviter. Il faut dire que dans cet environnement-là, il est plus difficile de sprinter à toute vitesse. Et tu avances plus lentement, suivi de tes deux compagnons qui font du mieux qu'ils peuvent pour te soutenir. Mais évidemment, tu es celui qui mène la danse. Oui. Je vais te demander un nouveau jet de force qui va gérer un peu comment. Enfin, qui va décider comment tu gères cette progression en général. 47. Toujours très bon. 47, ok. Donc tu avances, swingant à battre quand c'est nécessaire et l'utilisant pour repousser les autres du bout quand c'est nécessaire aussi. Et tu finis par arriver face à la porte sous le musée, donc qui est censé mener directement. Au sous-sol du musée, enfin du moins au sous-sol de la partie publique, et accéder à l'intérieur. Posant ta main sur la poignée, tu te rends compte qu'elle est ouverte. Elle n'a pas été fermée à clé. Elle a simplement été fermée. Ok, du coup j'ouvre la porte et je regarde, est-ce qu'ils sont loin de moi les deux autres ou pas? Ils sont juste derrière toi pour dire ça concernant. Bah du coup j'ouvre la porte, je les fais rentrer et je referme derrière moi, quitte à voir après s'il n'y a pas quelque chose pour bloquer la poignée de la porte derrière, parce que si jamais les gens, enfin si les marcheurs venaient et par inadvertance touchaient la poignée pour pas que ça ouvre la porte. Donc je vais bloquer comme un balai, tu sais, pour pas que la poignée elle s'abaisse, tu vois. Ok. À vous trois, donc, vous faites en sorte de bloquer la porte du mieux que vous pouvez avec ce que vous pouvez trouver. Et en plus, de toute manière, ce n'est pas très compliqué parce que vous êtes dans la partie boutique souvenir avant de quitter les lieux. Ouais. Donc, il y a plein de meubles, il y a plein de trucs, il y a de coups. Donc, vous recouvrez quasiment la porte de choses. Et vous avez maintenant fermé la porte de manière plus durable. Seul problème, maintenant que les lieux sont un peu plus tranquilles, vous entendez, hors les coups de feu qui résonnent dans tout le musée, qu'il y a aussi des intrus. Ok. Bah après, je vais... Enfin, là je me tourne vers AJ et comment il s'appelle le deuxième? Je me rappelle plus. Okay. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez? Où est-ce qu'on peut aller les chercher? Je parle des enfants. Les enfants, peut-être qu'ils sont à la cuisine, peut-être qu'ils sont Peut-être que quelqu'un les a amenés dans la zone où on avait tous nos vivres et l'armement. Ouais, allons là. Allons là, on sait jamais. Vous mettez donc en route, montant l'escalier pour retourner au rez-de-chaussée et ensuite vous dirigeant vers la zone de stockage, pour ainsi dire. Ouais. Du côté de nos compagnons qui sont à l'extérieur, est-ce que vous avez de nouvelles choses à dire, de nouvelles choses à faire? Je demande aux frères Melrose, enfin aux frères Place plutôt, si jamais ils ont des armes. Et si oui, lesquelles évidemment. Notamment peut-être tout ce qui pourrait être arme à feu pourrait m'intéresser. Alors, Archibald Place, donc celui qui est le plus âgé, a avec lui une lance, le genre de lance avec une pointe au bout comme vous en aviez. Et Melrose, lui, de son côté, a en effet une arme à feu, un petit flingue de base. Est-ce que je peux vous l'emprunter 5 minutes? Ouais, bien entendu. Il te le passe, volontiers. Okay. Avec le bidon, je vais voir Cinda, mais j'en parle suffisamment fort, même si avec Cinda, on discute un petit peu de notre côté. Hein. Mais là, on discute aussi de manière un petit peu plus ouverte. Un petit peu plus à haute voix, que peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une espèce de... qu'avec Cinda on remplisse le bidon, ou que les frères Place remplissent le bidon et qu'on le jette dans la horde, qu'on tire sur le bidon, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Mais on y réfléchit encore, j'aimerais savoir quelle est la... Est-ce que ont-ils des idées de plans pour pouvoir aider tout le monde, etc. Parce que finalement on n'est pas que deux. Et est-ce que l'idée en tout cas les intéresse? Mais voilà, est-ce qu'ils ont des plans aussi, etc. Parce que c'est vrai que nous on est un petit peu perdu, on sait pas du tout quoi faire. Les Place n'ont pas spécialement d'idées construites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont d'accord pour dire que il faudrait qu'on trouve un moyen de rejoindre Ed, ou en tout cas d'aller au contact, de faire quelque chose, parce que s'ils se retrouvent bloqués, cette éclaircie va pas durer longtemps, même si les autres essayent de tirer depuis les hauteurs du musée pour la garder, ça va vite disparaître. Du coup, le coup de les cramer, ça peut quand même être intéressant. Ça pourrait. Je pose une question plus au MJ, mais niveau expérience, on a déjà vu quand même ce que ça fait des zombies qui crament. Est-ce qu'ils ont tendance à faire « Ah, je crame » et ils perdent moyen, ou est-ce qu'ils ont tendance à être des torches humaines qui se déplacent, ou est-ce qu'on en a aucune idée? Moi, je l'ai vu normalement, puisque on a déjà est déjà cramé. Ouais. Vous avez déjà vu des zombies, enfin des marcheurs, comme on dit, hein, c'est véritable plaie, des marcheurs, qui brûlaient donc, et en réalité, ils n'en ont rien à faire. Enfin, ils brûlent, bien entendu. Donc, il faut plus que ça. Décomposer. Mais oui, mais il faut plus que ça pour faire un vrai truc, tu vois. C'est ça. C'est que dans les explosions, il y a le souffle et tout qui les prend, alors que si c'est juste le flamme, ça suffit pas. Ok, c'est intéressant à savoir. Je pense, malheureusement, on va encore temporiser un petit peu pour voir comment la situation évolue. Pas de problème. Il est temps que je fasse quelques jets tout de même, parce que. C'est quand même assez intéressant. Quand on sait que des zombies ne s'approchent pas de nous, pas se nous retrouver en tenaille par la horde, pas qu'elles fassent un contour ou je ne sais quoi. Donc vous faites de votre mieux, en tout cas pour rester alerte sur ce qui vous entoure. Et vous regardez aussi comment ça évolue autour du musée, et vous remarquez que pour le moment, l'éclaircie reste éclaircie. Bien entendu, au fur et à mesure, elle se referme un peu, mais elle reste présente. Notamment grâce aux tirs depuis les hauteurs du musée. Qui essaie de viser particulièrement ceux qui tendent à refermer l'ouverture. Je reprends juste la communication. Est-ce que tout se passe bien à l'intérieur? On se débrouille comme on peut, mais je pense pas qu'on va pouvoir tenir comme ça. Terminé. Vous allez devoir quitter les lieux, a priori. Je vais faire sortir ce que je peux faire sortir, mais je sais pas dans quel état est le parking souterrain, si on peut sortir justement. Mais vous allez juste les envoyer comme ça? Comment est-ce qu'on va faire sans les vivres, les armes, etc.? Il faudrait peut-être trouver un moyen plus sur le long terme. Je pense qu'on aurait dû comme je disais, la construction d'une structure ou autre, ça aurait été. Mais là, comment est-ce que vous allez faire? Tout se passe si vite. J'en ai aucune idée. Terminé. D'accord. Du côté de Ed. Ed, désolé de t'avoir donné une mauvaise information par écrit, mais c'est Driver qui a le talkie-walkie en réalité. Ah, vu qu'elle okay, donc voilà, donc c'est pour ça. A discuté pour tout le monde. Voilà. Ok. De ton côté, tu es à l'intérieur avec AJ et Patrick, et même s'il n'y a rien aux alentours de vous, vous entendez que les lieux sont maintenant habités par des gens en marche. Ouais. Donc quelle est la suite des plans pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu es toujours en train de marcher dans la direction? Oui, alors nous on a décidé du coup de se diriger de façon rapide et efficace vers la zone des stockages et tout ça, puisque c'est trouver les gamins quoi. Alors bien sûr on regarde un maximum autour de nous, hein, on fait pas tout chose parce que si on les voit on s'arrête, mais hein. Et donc vous faites du mieux que vous pouvez pour avancer rapidement et de manière décidée dans la direction de la salle de stockage, n'ayant pas spécialement attention à une discrétion ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment, en tout cas d'après votre mentalité du moment. Et vous arrivez assez rapidement dans la zone du stockage, traversant la fameuse pièce centrale dans laquelle vous avez passé tant de temps, notamment à votre arrivée avec Alexios allongé sur un piédestal tandis qu'il était blessé. Maintenant, dans la salle de stockage, il n'y a personne. Alors, il n'y a personne et les caisses sont ouvertes. Certaines personnes ont l'air d'avoir pris des choses, notamment des vivres, notamment des armes. Et il reste quoi dans la pièce qui serait utilisable? Eh bien, il reste quasiment toutes les armes sont parties. Il reste quelques vivres, mais très peu. Et au final, en termes d'armement, on va dire primitif, il reste toujours ces lances qu'ils ont l'air d'avoir fait à la chaîne avec tout ce qu'ils pouvaient. J'en prends une, okay. Ce sera toujours ça d'utile. AJ et Patrick font de même d'ailleurs. Et ils te regardent incertain de ce qu'il y aurait à faire. Où est-ce que les gamins ils ont l'habitude d'aller? Ils ont pas un petit endroit secret, un petit endroit où ils se cachent des fois? Non? Je sais pas, c'est les femmes qui passaient beaucoup de temps avec les gosses. Et... En tout cas, les gens qui sont encore présents sont à l'étage. C'est sûr, vu qu'ils tiraient depuis là-bas. Donc s'il y a les gamins quelque part, peut-être qu'ils sont à l'étage aussi. Ouais, mais ils avaient l'air de pas les avoir trouvés, ce que j'ai compris. Ils savaient pas où ils étaient. Donc ils sont pas forcément avec eux. Mais il y a d'autres pièces autres à l'étage? Ouais, à l'étage, il y a plusieurs pièces, mais c'est compliqué à dire honnêtement. Les gamins, j'ai aucune idée d'où ils sont. La cantine, on y est passé. Enfin, la cuisine, on y est passé déjà. Enfin, on l'a fait. Ouais, vous êtes passé en allant vers là-bas. Là où on est, qu'est-ce qu'il y a comme pièce qu'on peut faire? Ce qu'il y a autour de vous, en gros, les pièces les plus proches, il y a la zone toilette, on va dire, celle qui était là où il y avait les toilettes avant du musée. Ouais. Qui avait été un peu remis pour être des espèces de salles de bain du mieux que vous pouviez, quoi. Ouais. Et il y a aussi donc d'autres pièces qui n'étaient pas très utilisées, mis à part pour être tranquille de chacun de côté, qui étaient des anciennes pièces de musée, quoi, avec plein d'œuvres d'art contemporaines. Franchement, c'est ultra chaud de donner une direction. Le problème, en effet, des musées, c'est qu'ils n'ont pas été pensés pour avoir des pièces très différenciables les unes des autres. Donc, c'est difficile pour donner des informations. Ok, bah du coup, on va monter à l'étage et puis on verra bien sur place. Déjà, on pourra peut-être communiquer un peu plus facilement avec ceux qui sont encore sur place et voir l'état des lieux. Ouais. Donc, vous prenez donc les escaliers pour monter à l'étage et vous arrivez très rapidement dans la première pièce qu'il y a, qui est la plus grande de l'étage, celle qui avait de nombreuses vitres qui menaient vers l'extérieur et qui était utilisée autrefois comme bureau par Raznov et les autres, c'est ceux dans lesquels on vous a donné l'information du vol, etc. Et maintenant, les vitres sont toutes brisées et tu y trouves Raznov assis sur son bureau qui a l'air d'être en assez mauvais état d'ailleurs, Raznov, ainsi que Nathalie, donc l'autre femme, celle qui n'est pas amnésique, qui est avec une arme à feu aux fenêtres en train d'essayer de tirer du mieux qu'elle peut. Ce sont les deux seules personnes qui ont l'air d'être dans cette pièce. Je vais voir les autres pour le moment et je te laisserai réagir après. D'accord. Ok. De notre côté, Cinda, on discute un petit peu, mais du coup en privé pour pas parasiter le dialogue ici. On va finalement bel et bien demander aux frères Place, on leur donne le bidon vide et on leur demande s'ils peuvent pas aller trouver une voiture dans une ruelle voisine, la siphonner et revenir avec le bidon rempli. On pourrait bien prendre l'essence de notre bagnole là actuellement, mais on en a besoin pour partir. Sans doute si la situation se dégrade, donc autant l'économiser. Et de revenir plus vite et on va mettre en place le plan. Ok, on va faire du mieux qu'on peut. Et il saute directement sur les premières voitures qui passent. Okay. Enfin, pas les voitures qui passent, mais la voiture qui trouve, parce qu'il passe pas beaucoup. Mais il se met en fait, avec du coup Sina, on va rentrer à l'intérieur du coup de la voiture et je vais juste passer un petit coup de talkie-walkie. Ouais. Écoutez, il fallait que je vous dise quelque chose. Vous vous souvenez quand on a accusé Edgey, quand Edgey a accusé Non, oui, c'est ça, quand on a accusé Edgey de nous avoir fait passer pour des voleurs avec cette histoire de chapardage. Oui, terminé. C'était pas du tout Edgey, a priori il s'agissait de Kali. Et on vous a caché cette information depuis, on en est quasiment sûr. Je voulais nous excuser et savoir si vous nous pardonniez. Ouais. Écoutez, je vous excuse, mais ça ressemble beaucoup à un message d'adieu. Terminé. Bon. On est d'accord, on est plus que deux dans la voiture là, du coup. Oui. Je pense qu'avec Cinda, on se regarde encore pendant quelques secondes, on sait pas du tout quoi faire. Parce que là, on va se retrouver avec un groupe de 30 personnes sans vivre, sans armes et sans abri. À qui on a menti, en plus du truc dont le reste du groupe est pas au courant, qui lorsque ça va tomber, va nous foutre dans la merde. Et on a peur d'être les premiers à passer sous la sellette à ce moment-là. Alors que là, actuellement, on a une bagnole et un flingue. Bon. Bon. Si je peux vous donner une nouvelle information, je ne sais pas dans quelle sens ça va vous pousser, mais c'est les G qui ont décidé. Mm-hmm. C'est que du coup, pendant que vous discutez, enfin que vous dites ça à la radio et que vous êtes en train de réfléchir aussi, vous remarquez que malheureusement, l'ouverture a l'air d'être en train de se refermer. C'est foutu. Moi, clairement, je regarde ce driver et je lui dis vas-y. Je reprends le talkie-walkie une dernière fois et je suis juste désolé. Et je démarre la manipule. Très bien. Tu vois que ça répond même pas de l'autre côté du talkie-walkie. A priori, il y a une ambiance dépitée de l'autre côté. Et vous démarrez la voiture et à toute vitesse, vous partez. Vous pouvez vous éloigner donc en sens inverse de là d'où vous venez, mettant plus de distance entre vous et le musée. Mes félicitations. je vais repasser à Ed, qui vit de plus en plus, il semblerait, une aventure solo. Je pense. Donc, tu viens donc d'entrer dans la pièce avec Raznov blessé, que tu viens de voir reposer son talkie-walkie à côté de lui, avec un air absolument dépité, déçu. Et de l'autre côté, donc, Nathalie qui fait du mieux qu'elle peut pour tirer à la fenêtre. Du coup, enfin, on fait du boucan, donc forcément, je suppose qu'il se tourne vers nous. Je fais bon, alors comment, quelle est la situation, comment ils s'en sortent devant là? Moi qui te regarde, il met un petit moment à te répondre. Il a toujours son air un peu inexpressif, mais son regard est beaucoup plus bas cette fois-ci. Il regarde à nouveau le sol, un peu comme la première fois où vous l'avez vu, là où il semblait un peu déçu du fait d'avoir en quelque sorte participé au fait d'amener la horde sur le Cadio Market. Et maintenant il dit la situation, je crois que vos amis viennent de nous laisser tomber. Quoi? Vos amis viennent de nous demander pardon. Je vais sur le bureau et je prends son le toki. Je fais mais qu'est-ce que vous branlez bordel? Revenez ici. Le toki à Asina, moi je conduis. Je jette. Vous pouvez pas laisser les gens partir. Vous pouvez pas les gens mourir comme ça. Pensez à la petite Kali. Aucune réponse. C'est presque comme si on avait jeté le talkie-walkie par la fenêtre. Il y a un zombie qui va le ramasser. Ouais. Merci. Et je jette le talkie sur la table. Je crois qu'il n'y a plus que nous maintenant. Ok, bon. Y a que vous vous êtes les derniers survivants dans le coin? Il y a toi, AJ, Patrick et Nathalie. Moi, il va falloir me laisser. Dit-il en te faisant signe qu'il a l'air d'avoir été mordu à son bras gauche. Punaise, merde. Ok. Vous avez pas trouvé les petits. Où est-ce qu'ils pourraient être allés? Est-ce que vous avez des pistes qui peuvent nous renseigner pour qu'on essaye de les sortir de là? Ils ont pas des endroits, des cachettes, des je sais pas moi. Ils pourraient être dans la salle au projecteur. C'est une salle ronde. Je crois qu'ils aimaient bien y aller. Ok. On va y aller. Sinon, dans les toilettes ou. Ok, on va faire tout ça. Là où il y avait les réserves du musée. Mais la remise, on l'a déjà fait, c'est ça? Non, pas notre salle de stockage, la remise juste à l'arrière, celle qui... Ok, mais on va... C'est quoi la plus proche? De ces pièces-là? La plus proche, ça va être la salle projecteur, elle est aussi à l'étage. Ok, mais on y va. Bon, je suis désolé pour vous. Ok, je commence à y aller. Bonne chance. Merci. Tu laisses donc de nouveau la pièce. Tu vois que Patrick, lui, s'arrête aussi dans la pièce. A priori, il veut rester avec Krasnov et Nathalie pour aider. AJ, lui, décide de te suivre. A priori, il a envie de rendre service d'honneur. Je... Dans un réflexe complètement con... Je récupère le toki quand même au passage et je l'accroche à ma ceinture et je pars. Ça marche. Très bien. Donc tu quittes la pièce, tu traverses une première pièce qui était une zone a priori qui était sur les étoiles, sur ce genre de thème. Et la traversant, tu arrives directement dans la salle des projecteurs qui est donc une salle circulaire. Qui est. Je vais essayer de la décrire du mieux que je peux. C'est une zone circulaire, enfin c'est plus hexagonal pour ainsi dire, c'est-à-dire avec plusieurs petites facettes, mais circulaire en général, dans laquelle il y a plein de murs qui font en gros. Presque comme un espèce de petit labyrinthe sur lequel normalement étaient projetés sur tous les murs des choses différentes avec lesquelles tu étais peut-être censé interagir ou ce genre de choses. Oui, je vois. Mais il y a tous ces murs. Et dès que tu entres, la première chose que tu entends, c'est des enfants qui pleurent. Oh putain. Et là, je crie... je crie dans... Kali! Kali! Vous êtes là? Immédiatement, on te répond. Aide! C'est la voix de Kali, qui a l'air paniquée, mais qui est accompagnée directement d'une autre voix qui est... plus adulte et plus énervé, qui dit Ferme-la, putain! Ferme-la! Ed, dégage! Est-ce que je la reconnais? Bien, ouais. Je vais te demander un petit jet de... on va dire, ça va être de... Alors, qu'est-ce que tu as? Attends, faut que je regarde ta fiche. Mais ça va être un jet d'attention. 40. En moyen. 40 en moyen. Ok. 40 en moyen. Tu reconnais en effet cette voix. C'est une voix que tu as déjà entendue. C'est une voix que tu entends en réalité depuis un petit moment. Depuis que tout le monde s'est effondré. Ce n'est pas quelqu'un de la communauté du musée. C'est quelqu'un de votre communauté. Il s'agit de Eric. Un des plus jeunes de votre groupe d'origine, un avec lequel vous n'avez pas énormément interagi, mais qui était toujours présent et qui... C'est donc lui. Qu'est-ce que tu fous, Eric, là? Il faut venir! Sortez de là! Dégage, Ed, je peux pas sortir comme ça, tout le monde est au courant maintenant. Comment ça, tout le monde est au courant? C'est moi qui ai volé. Vous parliez de partir, alors j'ai commencé à faire des réserves, et puis vous avez eu l'air de changer d'avis, alors... Ok. Dégage. Ok, on s'en fout maintenant, ok. Tout le monde s'est barré, même Driver et Cinda, ils nous ont lâchés. On est tout seuls. Et là, je suis sérieux, moi, ce qui m'importe, je m'en fous de vos bordels, je veux sauver la petite Calice et ma famille. Maintenant, soit on bosse ensemble et on se barre d'ici et je peux t'assurer que je t'emmerderai pas. Tu feras ce que tu veux, tu barres où tu veux. Mais moi, c'est les petits. Les petits, ils viennent avec moi. Après, tu te barres, moi je m'en fous. Là, on est tout seul. C'est le bordel dehors. Il a fallu que je traverse une foule de putains de marcheurs pour rentrer ici. Le reste, je m'en fous. Alors, soit tu viens avec moi et ça se passe bien, soit c'est moi qui viens et là, je réponds plus de rien. T'as le choix. Je suis pas sûr de pouvoir te faire confiance, Ed. Tu veux que je vienne, c'est ça? Tu veux que je vienne? T'as vu ce que j'ai fait aux autres? Moi, la petite, c'est ça qui m'intéresse. Après, tu fais ce que tu veux. J'ai la petite, tu te barres, tu vas où tu veux. Il n'y a plus personne ici. Le chef, il s'est fait mordre, il n'en a pas pour longtemps. Il reste une meuf qui est en train de tirer sur la foule. Il lui reste trois munitions et après, c'est la fin. Mais tu es interrompu par un coup de feu qui résonne dans la pièce. Ed, c'est mon dernier avertissement. Mais tu crois que tu vas aller où? Tu crois que tu vas faire quoi, là? Je sais pas, mais pas avec vous. Mais pense... Laisse partir au moins la petite. Et on s'en va. Tu peux pas prendre en otage une gamine. Regarde, là, j'ai là, elle a 7 ans. Si tu peux pas, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? J'ai pas confiance en toi, Ed. Il y a des choses qui sont racontées sur quoi? Sur le genre de caractère que t'as. Sur... Les gens doutent de si tu... De si t'as... De ce que t'aurais pu faire à Dwayne. À Dwayne? Ok, tu veux la vérité? Tu veux la vérité sur Dwayne? Je vais te la donner, la vérité. On est partis tous les deux. On s'est retrouvés enfermés dans le noir, je voyais rien. On était dos à dos. Il a décidé de s'avancer plus loin. J'ai perdu sa trace. Et après, il a commencé à se faire becter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était moi? Ou essayer de le sauver et de crever et après laisser Cali toute seule? Ouais, je l'ai laissé. Et alors, moi, c'est pour ça que je te dis, Cali, c'est ma famille. Si elle meurt, je meurs. Mais sache que si tu lui fais la moindre chose, tu mourras derrière le dos toute ta vie. Et elle sera courte. Donc soit tu bosses avec moi, tu ramènes la petite ici, et après tu fais ce que tu veux, tu as ma parole. Soit tu fais pas les choses, tu prends le risque de lui faire du mal, mais sache que après, tu seras mort. Et ça, C'est la vérité. À toi de boire. Ed, m'oblige pas. M'oblige pas à faire sage. M'oblige pas à le faire moi aussi. Moi, je ne veux que la petite. Kali, c'est tout. Tout ce que tu fais ce que tu veux. T'as fait des conneries, t'as pris des vives. Je peux le comprendre. C'est normal. On veut tous survivre. On en a parlé, c'est vrai. T'es jeune, je comprends. Maintenant, là, on n'est pas dans... Il faut qu'on survive. Cinda et Driver, elles l'ont compris, elles se sont barrées. Elles ont vu que c'était la merde, elles se sont barrées. Elles nous ont lâchés. Ok ? Alexio, je sais pas où il est parti, mais il a on eu au moins le mérite. On aurait dû se barrer tous ensemble depuis très longtemps mais déjà. Ça, je le sais. C'est vous qui avez décidé de rester. Mais qu'est-ce que c'est même vous qui avez décidé de virer les militaires qui étaient avec nous. Au final, on s'en sortait pas si mal. Vous avez été les premiers à les confronter. Ok, tu crois qu'on allait aller où comme ça? Pas ici, écoute, en tout cas. Oui, maintenant on a fait un choix. Il était peut-être pas le bon, mais franchement, il fallait qu'on fasse quelque chose. Maintenant, les choses sont faites. Maintenant, ok, on a fait des conneries. Ils sont morts, peut-être pour que dalle. Mais maintenant, les choses, elles sont là. Il y a une horde dehors qui n'attend rien du tout pour rentrer. Ça se trouve, ils sont déjà à l'intérieur en train de monter pendant qu'on est en train de parler. La seule chose qui m'intéresse ici, dans cette pièce, c'est pas toi. J'en ai rien à foutre. Tu fais ce que tu veux. Je pourrais pas sortir cette pièce. Je sais très bien ce qu'il y a à côté. Il y a encore Raznov, il y a encore d'autres. Raznov, il est au bord de la mort. Ok. Je te donne ma parole qu'il ne t'arrivera rien jusqu'à ce qu'on soit sorti de ce bâtiment. Après, tu te débrouilles. Pour preuve, ici avec moi, j'ai AJ. S'il te fait quoi que ce soit, je le bute et je regarde AJ dans les yeux. Je crois que AJ t'en regardera dans les yeux immédiatement aussi et il dit je donne ma parole aussi. Maintenant, ça ne dépend que de toi. Sache que honnêtement, je ne partirai pas d'ici tant que sans la petite. Maintenant, je te propose quelque chose. C'est soit on collabore et on aura plus de chances à survivre ensemble que tout seul. Et tu sais à quel point que ma force peut être utile, surtout en ce moment. Hein, sache que j'ai traversé une horde pour venir à l'intérieur quand même. Soit tu te débrouilles tout seul et tu prends le risque de mourir. Mais je ne partirai pas sans ma petite. Le silence se fait pesant. Il ne semble pas répondre immédiatement. Je vais demander à Alexios, qui est toujours en train de rouler en direction du stade et qui s'est maintenant pas mal éloigné de la zone, ce qu'il souhaite faire. En effet, maintenant, il roule depuis un petit moment. Tu peux être sûr et certain que la horde a été... Enfin, que la partie de la horde qui t'a suivi est assez éloignée maintenant du reste. Qu'elle n'est pas prête de rejoindre son point initial immédiatement. Est-ce que tu veux continuer ta route vers le stade ou est-ce que tu décides par un détour ou un autre de revenir sur les lieux pour porter assistance à tes compagnons qui sont sûrement en danger de mort? Pourquoi pas. Tu veux faire demi-tour du coup en passant par un autre chemin? Attends, il me reste combien de minutes pour arriver jusqu'au stade? Il te reste encore un petit moment. Tout là, ce qui s'est passé là, il était assez immédiat en réalité. Je mets les pieds au plancher et je vais au stade. Ok. Mais avant tout... Avant tout quoi? J'espère qu'il y a un truc de CD qui vend des CD juste en face du stade pour que je puisse porter une musique. Eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, tu continues ta route vers le stade. Accélérant un peu plus, espérant que tout se passe bien au musée et que tout le monde est en vie, et peut-être même en espérant que personne ne s'est barré. Je retourne donc vers toi, Ed, et la réponse que te donne Eric qui est... Ed, j'ai fait plusieurs conneries. Lesquelles? Je sais pas trop par quoi commencer, il y a... C'est moi qui ai persuadé les gamins de voler des choses pour nous. Ok. Non, c'est pas le pire. Écoute, j'ai envie de m'en sortir et je sais pas si je devrais te dire ça, mais... Il y a un des gamins qui a essayé de s'enfuir entre-temps. Quand ils ont commencé à attaquer et j'ai paniqué. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Il est mort, je voulais pas. C'est juste, je voulais tirer pour lui faire peur et... Et je sais pas me servir d'une arme à feu. Ok, c'est bon. Je vais pas te dire que c'est pas grave, ça l'est, mais tu devras vivre avec ça toute ta vie. Maintenant, il faut faire le bon choix et sauver ceux qui peuvent être sauvés. Il y a encore des gamins avec toi. Donc viens, et on se barre. Dépêche. Je vais te demander, Ed, un jet de pouvoir. 43 moyens. 43 moyens, très bien. Ok. Encore un petit silence se fait. Et d'une voix tremblotante, il répond: non, Ed, dégage. Fais sortir tout le monde, je me débrouillerai, je laisserai les gamins au Cadio Market en partant. Dégage, fais sortir tout le monde. Faut que je prenne personne. T'iras nulle part avec les gamins. Là, t'as vu là-haut? Je vais tirer, Ed. Ok. Je fais genre à AJ de reculer, mais genre avec le doigt comme ça, de faire comme si on allait se barrer, mais de rester quand même dans la pièce. La pièce, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la seule sortie possible ou il y en a d'autres? C'est la seule. Ok, bon bah écoute, au niveau de la topographie, de la façon dont c'est fait, est-ce que justement il y a des panneaux qui peuvent être utilisés pour se camoufler, genre laisser la porte et se camoufler, et pour quand lui va passer, ne pas être vu ou pas? Ou je sors complètement? Il y aurait moyen de se cacher derrière un des différents murs de la pièce, pas loin de la porte ou quoi que ce soit. Cependant, il suffirait qu'il arrive du mauvais côté pour immédiatement tomber sur toi. Ok, bah sinon je vais sortir de la pièce et après genre essayer de me cacher un truc assez proche de la sortie pour lui tomber dessus quoi. Il a une arme AJ, il me semble hein, qu'il avait une arme. Oui, il a une arme. Ok. Je lui demande de façon assez basse s'il s'est tiré. Il fait un signe de tête un peu hésitant, mais il te dit oui. Ok, d'accord. Bah, je lui dis de la garder et que. On s'en va, ok. Mais tu fais une erreur, mais ok, je veux pas qu'il arrive de mal aux enfants. On s'en va, on te laisse sortir. Ok? Fais sortir tout le monde, je te laisse 5 minutes pour que vous dégagiez tous du bâtiment. On se barre, ça marche. Ok. Fais pas le con, hein. Donc on sort de la pièce. Et une fois dehors, donc je referme la porte. Une fois dehors, je dis, bon, essaie de trouver une position de tir favorable, sachant que... Bon, il va être plus grand que les gamins, donc même s'il est proche des filles ou de la petite, il sera forcément un peu plus grand, à moins qu'il la porte, mais vu son poids, il ne pourra pas la tenir très longtemps. Donc, je vais mettre un petit peu la situation entre tes mains. J'espère que tu feras au mieux. Au pire, essaie de le blesser. Si tu peux lui tirer dans la tête, c'est mieux. Mais voilà. Et moi, je serai pas très loin et je courrai sur les gamins tout de suite après. D'accord. Ok. Eric, c'est ça? Non, pas Eric. Comment il s'appelle le deuxième? Raznov. Il y a Raznov, il y a Patrick. Patrick, voilà. Patrick, ils sont restés dans la pièce, a priori. Patrick, lui, ouais, ils sont restés dans la pièce qui a encore avant celle où vous êtes. Et c'est loin ou genre je peux y aller en combien de temps si j'y vais rapidement? Tu peux y aller rapidement, hein. Tu traverses juste la pièce qui est utile. Ok, hein. C'est pas... j'arrive. Ok, Patrick, c'est un des jeunes de notre groupe. Il a les enfants en otage. Il a complètement pété un câble. Il menace de tuer les gamins. Il faut qu'on lui tende un guet-apens. Il va sortir de la salle de projection. Donc, est-ce que tu te démerdes avec les armes? Ouais, un minimum. Ok, donc il faudrait qu'on se mette en tir croisé. Quand il va sortir, il y a AJ qui s'est mis dans un angle et toi, il faudrait que tu prennes un autre. Comme ça, bah, on va maximiser les chances de... Et moi, j'essaierai de me retrouver le plus près possible des gamins pour tout de suite, dès qu'il sera en sous les feux, de sauter dessus pour le neutraliser. Ça va aller? Ça va aller. Ok. Ben, c'est parti alors. Du coup, ben, on essaye de se placer. Enfin, je les laisse se placer comment par rapport à la porte. Et moi, je vais essayer de. Alors, par rapport à cette porte, au niveau de l'environnement, c'est comment? Moi, où je pourrais mettre. Question. Vous vous placez dans la fameuse pièce, donc avec toutes les fenêtres vers l'extérieur, ou dans la pièce qui a juste avant celle du reste, où c'était la zone pour l'espace? Alors, par exemple, c'est. C'est l'endroit quand il va sortir de la pièce de la zone de projection. En gros, qu'il va sortir de cette pièce là, et c'est là que nous on sera placé. Alors, je sais pas comment il est directement à la sortie de la pièce des projecteurs. Voilà, même pas une pièce de répit entre vous deux, quoi. Bah, c'est juste la question pour voir si je map bien la chose, que je fasse pas d'erreur dans ce que je dis. Ouais. Bah, là, c'est dans l'idée. Maintenant, après, je vois pas du tout comment c'est fichu, ouais, c'est l'environnement. C'est pour ça, est-ce que c'est possible de poster des gens pour qu'ils puissent pas forcément tout de suite réagir? Ou alors c'est vraiment, Il y a dans la pièce qui est avant celle des projecteurs, justement, il y a plusieurs espèces de petits piliers sur lesquels il y avait marqué des informations. Au centre de la pièce, il y a une espèce de gros globe terrestre. Ouais. Donc il y a moyen de se cacher, il y a moyen de se mettre à couvert, et il y a moyen d'avoir quelque chose d'un peu tactique. D'accord. Ouais, bah du coup voilà. Et puis moi, je vais essayer à la fois de mettre pas trop loin de l'entrée, enfin de l'entrée de la pièce, pour que très vite, dès que les premiers coups de feu partent, je puisse rusher la position et lui tomber dessus, quoi. Genre et le défoncer direct, quoi. Donc. Tu vous mettez en position, vous attendez un petit moment, ce qui semble correspondre vite fait de tête un peu au temps qu'il vous a laissé. Et tu l'entends à nouveau gueuler de l'autre côté de la porte, dire « Aide !» Je réponds pas. « Y'a quelqu'un ?» Il attend encore un petit moment, beaucoup plus court, et tu commences à entendre des bruits de pas se rapprocher de la porte. Ce sont plusieurs bruits de pas, ce n'est pas qu'une seule personne. Mais tu sembles aussi comprendre que certains de ces bruits de pas sont gênés. Il y a des moments où tu as l'impression que ça s'écarte de nouveau de la porte, et d'autres que ça revient. Au final, tu commences à voir la poignée tourner. La porte s'ouvre. Et la première chose que tu vois passer par la porte, c'est Kali. Et derrière sa tête, une arme à feu. Puis un bras, puis Eric tout entier. Ce jeune homme de 23 ans que vous avez quasiment à chaque fois ignoré, qui n'avait pas tant utilisé tant que ça, même la question des votes, la question des communautés. La seule personne qui lui a un peu parlé, c'était Cinda, justement, à l'époque où c'était dans les cuisines du musée. Et tu le vois donc là, menaçant donc Kali de mort au moindre signe, et tenant de son autre bras un autre des gamins. Le plus jeune qu'il y avait avec Kali. Immédiatement, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Tu vois qu'il a... Il est figé dans cette surprise. A priori, il croyait vraiment que t'allais disparaître. Je vais te demander ce que tu fais. En sachant, bien entendu, que la situation est assez compliquée, vu que... Je te le rappelle encore, Kali a une arme pointée sur elle. Oui, je sais. Donc, clairement, il nous a grillés. Ok. Donc ouais, là, il faut y franger. Ah, il est vraiment dans le choc et tu n'es même pas encore sûr de comment il va vraiment réagir quand son esprit va reprendre possession de son corps. Ok. Tu as 5 secondes pour me dire ce que tu fais. 5. Eric, tu sais que je t'ai dit que je pourrais pas partir sans Kali. Maintenant, on est tous ici pour la même chose, survivre. Je sais que t'as peur. Et c'est ça qui fait que tu fais des conneries. On a tous fait, moi aussi. J'en ai fait. T'avais dit que tu dégagerais. J'ai dit que je dégagerais, certes. Mais moi, ma priorité, c'est Kali. Ici, on veut tous sauver les gamins. C'est la seule chose qui compte. Donc, crois-moi, on te veut aucun mal. On veut juste sauver les mômes. Je regarde dans la direction de Patrick, je regarde dans la direction de AJ. Tu sais ce qui va arriver si tu prends la mauvaise décision. Je te mens pas, je vais pas te raconter de conneries. Alors, soit tu nous fais confiance, tu laisses les petits partir et tu tenteras ta chance tout seul, parce que clairement personne t'aidera. Mais si tu fais la connerie de faire du mal aux gamins, tu sais ce qui arrivera derrière. Clairement, tu t'en sortiras pas. Donc, je te propose juste de reprendre tes esprits, de réfléchir et de laisser partir les petites. Et crois-moi, vraiment, je te le promets, je te le jure, sur ce qui m'est le plus cher, et c'est Kali qui est le plus cher pour moi, tu partiras de cette pièce et tu feras ce que tu veux de ta vie. Maintenant, ce sera toi et la horde qui a nos portes. Mais laisse les enfants tranquilles. T'as déjà quelque chose de très lourd sur ta conscience avec lequel tu vas devoir vivre. N'en rajoute pas. S'il te plaît. Tu vois que je pose ma batte à mes pieds et je mets mes mains comme ça. Ok. Je vais te demander... Encore un jet de pouvoir, en sachant que tu vas avoir un bonus tout de même, autant par la situation que par ton geste d'avoir posé la batte, c'est quand même pas rien. Donc jette, fais-moi un jet et on verra comment ça se passe. 35. Ok. Et tu as moyen, c'est ça, ou mauvais? J'ai moyen, oui. Moyen? Ok. Tu vois que ton discours a l'air de le prendre à la gorge parce qu'il te laisse parler tout du long, ce qui n'est déjà pas forcément gagné. Mais il te laisse parler tout du long, et au moment où tu poses la batte au sol, tu le vois presque te regarder droit dans les yeux, puis regarder, baisser le regard, carrément baisser sa défense face à toi, et tu le vois qui commence à baisser son arme aussi. Kali n'est pas encore hors de danger, parce que juste il descend le long de sa colonne vertébrale, quoi, pour ainsi dire. Mais il a l'air de perdre en volonté. Et... Et et dans un instant très rapide, tu le vois, au lieu de tirer sur elle, la pousser d'un coup sec dans ta direction avec le bout de son flingue, qui aurait pu être d'ailleurs très dangereux. Il la tire, enfin, il la pousse d'un coup vers toi et il se met directement à courir tout droit pour traverser la pièce. Ok, donc moi, de toute façon, je m'occupe même pas de lui. Je récupère la petite dans mes bras et je fais même pas attention. Il fait ce qu'il veut et les autres après, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis même plus intéressé par lui, quoi. Et je tends le bras vers l'autre gamin, genre quand même, pour qu'il vienne vers moi, tu vois. Donc je Kali immédiatement se jette dans tes bras, hein. Même si elle n'avait pas été poussée, elle se serait immédiatement jetée dans tes bras, de toute manière. L'autre gamin suit aussi, par réflexe, et aussi parce que t'as l'air sûrement d'être beaucoup plus sympa que Eric. Eric, ouais. Et pendant ce temps, Eric continue sa course, et il est suivi du regard et du canon par tes deux compagnons. Il tire, mais le rate. Les deux le ratent. Il traverse la pièce, traverse la porte et quitte votre vue. D'accord. Ok. Les deux autres quittent leur cachette, donc se rapprochent de toi et disent il faut qu'on dégage maintenant. Ouais, non, c'est clair. On a toujours le van dans le parking souterrain. Je sais pas si on va avoir moyen d'en sortir, mais. C'est notre véhicule le plus proche. Ok, ok. À toi de voir si tu veux passer par là. Patrick, tu prends l'autre. Tu prends l'autre petit. Patrick chope le petit, le tient directement dans ses bras au-dessus du sol. D'accord. Et puis, du coup, je prends Calice avec moi et la batte. Et puis, je les suis parce que, bon, bah, forcément, ils savent. Où c'est. Après, je leur dis quand même de faire quand même gaffe au gars, à Eric, parce que comme vous avez tiré, faudrait pas que il ait décidé de se venger. Donc, faisons quand même attention. Pendant que tu dis ça, donc vous quittez la pièce, vous ouvrez la porte par laquelle Eric s'est enfui, hein, seul passage pour aller de toute manière vers l'escalier qui descendent. Et tu vois une nouvelle scène. Une scène à laquelle tu t'attendais peut-être, ou à laquelle tu ne t'attendais pas spécialement. Mais tu vois Eric, qui est au sol, et il est aux prises physiquement avec Krasnov. Il a son arme à côté de lui, a priori il a été désarmé ou surpris. Cependant, Krasnov n'est plus Krasnov. Krasnov est au-dessus de lui, tentant du mieux qu'il peut de l'étrangler ou de le saisir, en train de lui baver directement sur le visage. Et de son côté, Nathalie, elle, est à côté de l'escalier pour descendre. Elle n'a a priori pas osé tirer autant sur son ancien chef que peut-être pour garder votre plan discret, comme vous le souhaitiez. À toi de me dire si tu souhaites continuer ta marche, tu souhaites faire quelque chose. Il a fait son choix et on se casse. Ok. Tu traverses donc la pièce, laissant Eric à son sort. Et vous descendez ensemble, donc toi. Je prends. Alors son arme, elle est tombée au sol ou pas? Oui, elle est au sol. Je la récupère avec moi quand même. Ok, tu récupères l'arme à feu. Donc toi, accompagné de Kali, Patrick, AJ et Nathalie, et le petit qui est avec Patrick. Ouais. Vous descendez donc les escaliers, laissant Eric à son sort. Il a peut-être encore la possibilité de se défaire de la prise, qui sait? Peut-être que non. En tout cas, ce n'est pas ton affaire. Tu as décidé qu'il avait décidé de faire bande à part et il a pris sa décision. Maintenant, c'est à lui de se débrouiller. Il a fait son choix. Mais tes ennuis ne sont pas terminés, car une fois les escaliers descendus, tu entends le bruit des vitres du rez-de-chaussée se briser. Avec Nathalie qui avait arrêté de tirer à l'extérieur, ils ont pu définitivement se rapprocher de manière massive, ils ont pu, semblerait, passer les fossés qu'il y avait autour du musée. Ils sont à présent à l'intérieur. Ok. Tu peux me dire quelle est ta stratégie? Il y a techniquement deux sorties. Oui. La sortie qui sert d'entrée principale du musée, ou repartir directement dans l'escalier du sous-sol pour aller au parking souterrain. En soi, je pense qu'on pourrait pas repartir par là où on est arrivé, parce que ce serait de la folie. En soi, le sous-sol, normalement, avant d'arriver au sous-sol, ils sont censés déjà arriver là où ils sont arrivés. Donc, ce qui nous laisserait, à part s'il y a une sortie qu'on ne connaît pas, une opportunité supplémentaire avec le véhicule. Donc, je pense qu'il faut tenter, le van. Il faut tenter le van. C'est notre seule chance. Et foncer dans le tas. Ok. Donc, qu'on se comprenne bien, le van qui est dans le parking souterrain, c'est ce que tu avais été indiqué. Donc, ça signifie donc que tu veux prendre les escaliers pour retourner à la boutique de souvenirs et ensuite par l'escalier par lequel vous êtes rentré là immédiatement. C'est par là qu'il faut passer pour aller au sous-sol. Oui, c'est ça. Parce que tu es rentré là par le parking souterrain. Tu avais sauté dans le parking souterrain, puis pris l'escalier qui menait à la salle de souvenirs pour arriver au rez-de-chaussée. D'accord. C'est dans donc le parking souterrain là aussi que se trouve le van. Oui, donc c'est là où la horde vient de tomber. C'est ça. D'accord. Alors que j'avais pas compris comme ça. Ok. Ouais, donc là, j'essaye de visualiser un peu. Donc là, si on passe par l'entrée du musée. On va aussi avoir de la horde, alors à moins que toute la horde ait décidé de tomber dans... C'est bien... De là où tu es, c'est compliqué, vu que cet escalier est loin de toute fenêtre, et il est basiquement au centre du rez-de-chaussée. Donc il est un peu compliqué de voir par où ils sont rentrés, par où ils sont aussi rentrés de manière la plus nombreuse. Il va donc falloir tenter ta chance. Allez, tu as 5 secondes pour décider, sinon la situation va changer d'elle-même. Non, il faut tenter le van. Il faut tenter le van, on sait pas... C'est la seule chose concrète qu'on a. Malheureusement, il va falloir qu'on fonce dans le tas. Je n'ai pas envie d'exposer les enfants, mais qu'est-ce qu'on a comme option? Ok. Donc vous vous mettez en marche pour retourner à l'escalier qui mène au sous-sol, à la fin, au sous-sol entre guillemets, où se trouve donc la boutique de souvenirs. Tu traverses les couloirs et les différentes pièces qu'il y a sur ton chemin, donc la cuisine, etc. Et tu remarques en effet que dans toutes ces pièces où il y a des fenêtres, les fenêtres sont brisées et certains ont commencé à rentrer. Ok. Ils sont assez nombreux, difficile encore de savoir par où ils sont rentrés en particulier, mais arrivant aux escaliers qui mènent à la boutique de souvenirs, tu commences à entendre en bas des bruits de râlement. Tu continues tout de même ta marche? Ok. J'avoue. Allez, 5 secondes, sinon la situation change. On y va, et puis si on voit vraiment que c'est le bordel, si on peut repartir en arrière. Ok. Donc tu descends donc accompagné de ta petite troupe. Qui est, semble-t-il, plus fidèle que certains de ton ancien troupe. Ouais. Et continuant ta descente, tu arrives en bas de l'escalier face à ton premier marcheur, depuis que tu es rentré à l'intérieur, mis à part Raznov. Je vais te demander un jet de force. Et d'ailleurs, pas le plus simple qui soit à abattre, car il s'agit en effet d'un homme qui avait bien mangé par son passé. D'accord. Donc il y avait certains problèmes de santé, quoi que ce soit, mais il est d'un certain poids qui pourrait poser problème pour s'en débarrasser rapidement. 50, très bon. Tu as dit combien? 50, en très bon. Ok. On va faire un jet de constitution pour le zombie incroyable, ils peuvent faire des jets. Tu arrives donc vers lui, tu prends ta batte de baseball, c'est ça la batte de baseball, tu attaques avec ? Non, je vais tenter le... La lance. J'ai la lance avec moi aussi. Ok. Tu prends ta lance et tu essayes de le planter du mieux que tu peux dans son visage, dans son crâne. Tu traverses sa peau, tu traverses sa chair, tu traverses ses muscles et tu es certain de traverser son crâne car il s'immobilise immédiatement et se laisse tomber sur le côté. Rapidement, j'essaie de la récupérer. Tu retires ton arme, ouais. Tu reprends ta marche pour remarquer que la boutique souvenir semble maintenant remplie. Je ne dirais pas envahie car il y a toujours une possibilité de se mouvoir. Mais elle est remplie et il va falloir se battre pour tout le monde dans cette pièce, il va falloir se battre. Ok, alors en soi, quand on regarde la pièce, est-ce que, honnêtement, ça semble quelque chose d'impossible à réaliser? Ou tu dis, bon, si on est bien coordonné, il y a moyen de passer quand même? Ça semble jouable, mais ça semble aussi très très jouable que des gens soient perdus en chemin. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, moi, je garde la petite très fort à côté de moi. Voilà, quitte à... De toute façon, maintenant, il n'y a plus de discrétion possible. Il faudra jouer du flingue si besoin. Voilà, clairement. Et on est loin du van. Enfin, clairement, ou pas? C'est encore loin ou... Pas spécialement. Tu l'avais remarqué en arrivant. Il n'était pas spécialement éloigné de l'entrée par laquelle tu t'apprêtes à sortir. Ok, bon, de toute façon, maintenant, je peux y aller. On n'a pas le choix. On peut pas retourner en arrière. Ok, ok. Tu décides donc de continuer à... Tu décides donc de continuer à avancer. Ton arme à la main et Kali dans l'autre. Et tu avances, accompagné de tes compagnons. Qui commence directement à essayer d'abattre le plus de créatures possible sur votre chemin. Je vais te demander encore un jet de force général, on va dire, pour comment tu te débrouilles. Et je fais des jets aussi. 46. 46. Ouf. Ah oui, oula. Enfin, je dis pas ça. Enfin, bref. 46, ok. Donc, tu continues avec ta batte de baseball en la swingant, enfin avec ton arme, etc. Tu fais en sorte d'éloigner le plus possible les créatures de toi, évitant le plus possible de véritablement te battre, hein, au cas où tu as calé dans la main, on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Ouais. Donc, tu fais surtout en sorte de les éloigner, tandis que autour de toi, on commence à se battre et on continue à avancer. C'est une véritable mêlée, hein. On n'est pas dans. Ouais. On n'est pas dans une situation facile comme vous avez pu en... Ouais. Même dans le centre commercial, vous n'avez pas vraiment eu de situation dans laquelle vous avez été autant entouré. Oui, c'est la première fois que c'est une vraie bataille, quoi. C'est ça. Vous auriez pu vous retrouver vraiment entouré, mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Et là, tu avances du mieux que tu peux. Tu joues même des épaules à certains moments par réflexe, oubliant presque que tu peux te faire mordre, mais c'est une obligation de la situation au moment où tu sens quelque chose se frotter à toi. Tu joues des épaules, tu joues de ta lance, tu joues de ta batte de baseball, faisant toujours du mieux pour garder Kali du côté où il y en a le moins, et tu finis par atteindre la porte que vous aviez barricadée, entre guillemets. Oui. Tu te mets donc, j'imagine, au boulot pour la débarricader. Ah oui, je mets un grand coup de latte, tout ça. Fais-moi un jet de force, tandis que de l'autre côté, ça continue à frapper. 27. Et pendant... 37 ? 27. Okay. Tu te mets au boulot, tu balances tous les trucs que vous avez chopés. C'était presque plus facile que quand vous deviez les poser, quand vous étiez tranquille. Ouais. Tu balances. Moi j'ai l'adrénaline là quand même. Derrière toi, jetant parfois des coups d'œil, tu remarques que tes compagnons t'ont suivi, sont à présent en train de t'aider, à l'exception de AJ, qui est au sol en train de se battre directement avec une de ces créatures. Et tu remarques que cette créature a déjà les dents plantées. Ah putain, merde. Cher. Ouais, bah, de toute façon, après, je fais pas de sentiments. Hein. La personne la plus importante pour moi, c'est Kali. Les autres, malheureusement pour eux, tant pis. Il se bat, il fait de son mieux pour se débrouiller. Il ne hurle pas à l'aide, il sait à quel point la situation est sérieuse. Il se bat, simplement. Et rapidement, il se fait attraper par un second, un troisième. Et tu continues à débarrasser toute cette porte. Tu ouvres grand la porte, suivi par tes compagnons. Tu arrives donc directement dans ce parking souterrain qui est aussi envahi que la pièce au final. Qui est dans une assez mauvaise situation, mais tu continues à jouer des épaules. Je vais te redemander, cette fois-ci, pas un jet de force, mais un jet d'effort, quand ça commence à être des efforts permanents. Cette 44. Fois-ci. 44. Très bon, bien sûr. J'ai bien fait d'avoir fait très bon sur ces deux sacs. Tu continues donc à avancer, tu donnes des coups de basse, des coups de lance, des coups d'épaule, tu continues. Derrière toi, tu entends tristement Nathalie qui commence à appeler à l'aide. Je ne sais pas si tu te retournes, si tu fais quelque chose. Non, moi j'avance. Après, j'ai juste quand même une conscience de me dire qui a les clés. Qui a les clés du van? Ah, est-ce que tu le hurles? Oui, je crie, qui a les clés? Tu demandes qui a les clés et Patrick te répond, il dit c'est moi. Ok, alors on avance. Tu vois, tu continues à avancer, à un moment tu regardes peut-être un peu derrière toi juste pour voir si t'es suivi. Tu vois que Patrick a un peu hésité à suivre, il avait envie d'aider, et tu remarques Nathalie qui commence déjà à disparaître au milieu des... Ah oui, mais il faut penser aux enfants. Pense aux enfants, Patrick, pense aux enfants. C'est eux la priorité. Il se met à te suivre immédiatement. Il y a d'autres choses plus importantes. Dès les enfants, c'est plus important a priori. En tout cas, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Oui. Il avance avec toi. Vous êtes à présent donc plus que deux adultes et deux enfants. Tu continues à jouer des coups. Tu fracasses une de ces créatures en la balançant directement sur le van avec un espèce d'uppercut directement de l'épaule. Ouais. Et tu te jettes sur la portière, Patrick ouvre la voiture, vous mettez à l'intérieur, je vais te demander un jet de chance. Et tu as combien? Tu as... Moyen. Moyen, ok. Donc tu te jettes à l'intérieur de la voiture, tu refermes la porte derrière toi, ce qui brise directement le crâne d'une de ces créatures qui est en train de se jeter derrière toi. Tu lui brises le crâne, tu réouvres et tu refermes pour essayer de fermer du mieux que tu peux. Patrick enclenche le moteur, fait un reculon avec sa machine, percutant de nombreuses créatures, et commence à rouler, mais lentement. Ouais. Et tu comprends la situation, c'est qu'il ne fait pas seulement que faire face à une résistance face à lui, il fait face à une résistance qui s'est enroulée autour de ses roues. Ah. Vous avancez doucement, mais tu entends les os craquer, les choses sous la voiture. Tu entends que c'est peut-être perdu. En tout cas, c'est ce que tu penses. Tu penses peut-être au pire scénario. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir, mais là... c'est difficile. Le parking souterrain est en train de se remplir de plus en plus. Quand tu regardes par les fenêtres, tu en vois de plus en plus tomber, se laisser tomber par les ouvertures au-dessus. Et toi, t'as devant toi, là, cette sortie directement qui monte, qui permet de sortir du parking souterrain. Mais il y en a trop devant vous, il y en a trop sous vous. Patrick est en train de s'énerver sur le volant, tu vois, il est presque en train de secouer le volant tout en sautant sur l'accélérateur. Je vais te demander, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu vis quelque chose? Bah, de toute façon, là, on est enfermé totalement par les zombies, là. Enfin, ils entourent le véhicule, devant, derrière, sur les portes. Ça commence, en effet, à être assez mauvais. Voilà, donc, parce que si, je veux dire, là, si moi, dans l'idée, je décidais d'ouvrir la porte, je me ferais sauter dessus par 5 ou 6, ou enfin, il y en aurait beaucoup, ou je peux encore ouvrir et essayer de dégager le truc qui nous empêche de rouler. Alors, avec un peu de chance et un peu de force, il serait possible de donner un grand coup avec la portière pour les dégager immédiatement de devant toi et essayer d'avoir du mouvement pour dégager du mieux que tu peux les roues. Mais ce serait véritablement à tes risques et périls. Bah, de toute façon, là, en soi, c'est... si on fait rien, bah, on va se faire submerger par la masse, quoi. Enfin, ouais. Voilà, donc... Bah écoute, je vais essayer, je vais tenter ma chance. Au pire, moi, j'y reste. Et si je peux... si je peux dégager les roues et qu'eux ils se barrent, je crèverais, mais pour sauver Cali, quoi. Ok, je vais te demander un premier jet de force pour ouvrir la portière et envoyer valdinguer ceux qui sont directement sur la portière. Alors là, j'ai fait 60. Ok. Alors, avec un son, tu donnes un grand coup avec ta portière. Tu en fais tomber un, malheureusement, les autres te reculent simplement. Et gênent presque un peu tes mouvements. Tu te jettes de toi-même à l'extérieur avec ton arme. La batte de baseball. Je referme la batte de baseball. Je referme la porte hein, derrière moi. Ok. Ouais. Et puisque je vais pas laisser ouvert. Hein. Ouais, tu refermes la porte immédiatement, tu prends ta batte de baseball et tu commences directement à craquer des crânes. Ouais. Tu en craques un premier, un second, et une fois que tu penses être un peu libre de tes mouvements, tu t'accapares directement aux roues. Ouais. Je vais te demander un jet d'effort, parce que c'est un truc qui est enroulé autour d'une roue, c'est pas non plus un coup sec qu'il faut faire, c'est quelque chose qui se fait sur un peu plus de longueur. 13 en sachant qu'il y a des malus. Ah oui, même avec 13. Des malus. Tu te jettes directement, tu plonges tes mains dans la chair putréfiée, le sang moisi, les espèces de champignons et de cendres et de pu qui se sont roulés autour de la roue et t'essayes d'en arracher le plus possible. À certains moments, t'es obligé d'arrêter et d'essayer de pousser de ton cou, de ton épaule, de ta main, quelque chose qui s'était jeté sur toi. Tu fais de ton mieux pour l'arracher. Et tu commences déjà, au fur et à mesure que tu en arraches, à sentir que la voiture est plus libre de ses mouvements. Tes efforts semblent être récompensés, mais tu sembles aussi être mis énormément en danger car tu commences à sentir quelque chose se saisir de tes habits à plusieurs endroits. Tu essayes de résister. Je vais te faire un jet encore d'effort. On est quand même sur des efforts depuis vachement longtemps, t'es à fond depuis que tu t'es jeté à toute vitesse en direction du musée. 12. Ah oui, t'es à fond. Le pouvoir de la volonté chez Ed est tout puissant. Ton corps produit cet effet, cette fameuse légende, vraie ou non, dont on parle quand on entend dire des fameux parents qui deviennent surhumains, puisqu'ils peuvent soulever presque des voitures pour soulever des enfants sous des voitures et ce genre de choses. T'as presque cet effort presque naturel en toi qui prend le dessus, t'en chopes un et tu le jettes par-dessus toi pour t'en défaire et tu commences à te lever. Tu, avec ta batte de baseball, t'en pousses un autre et alors que tu penses presque accepter le moment où tu meurs, tu vois certaines de ces créatures tomber d'elles-mêmes au sol. Tu regardes autour de toi et tu remarques juste en face du van les Place et l'un d'entre eux en train de tirer directement dans le tas tandis que l'autre avec sa lance est en train de débarrasser le chemin pour libérer le chemin du van. Les amis, tu es donc maintenant un peu plus libre de tes mouvements. Les Place sont en train de gueuler: on dégage. Je vais te demander donc ce que tu fais. Est-ce que tu continues le combat? Est-ce que tu te mets à courir? Est-ce que tu te jettes de nouveau dans le van? Est-ce que le van a retrouvé de la mobilité? Le van se remet à avancer. Il retrouvera pas sa vitesse optimale parce qu'il a quand même trois autres roues, etc. Où il y en a un peu dedans. Mais il avance maintenant. Il n'est plus immobilisé. D'accord. Là, dans l'idée, est-ce que moi je sens que les Place, ils ont besoin que je reste avec eux pour dégager la route ou que je rentre à l'intérieur et qu'ils rentrent avec nous? Tu vois que les créatures sont surtout concentrées sur le van. C'est quelque chose de gros qui bouge, ça les attire, ça fait un bruit de moteur. Ils sont surtout là-dessus. Les Place peuvent se débrouiller, a priori, pour nettoyer devant le van et l'accompagner dans son mouvement. D'accord, donc moi, en tout cas du parking. Donc moi, en gros, si je monte dans le van, après on avance, quoi. C'est ça? Ouais. Ok, je vais monter dans le van. Maintenant que il détoie devant et que voilà. Ok. Si j'ai bien compris. Tu montes donc dans le van, réouvrant la portière encore dans la gueule d'une de ces créatures qui se rapprochait un peu trop. Tu te remets à l'intérieur, tu refermes. Kali saute directement sur toi de nouveau dans le van. Ouais. Et le van se met à avancer, accompagné dans son mouvement par les Flays qui font du mieux qu'ils peuvent pour faire reculer les créatures ou les abattre à distance. Le van sort enfin du parking souterrain, se retrouve directement sur l'espèce de place qui est autour du musée. Les Flays vous font signe de continuer à avancer, ils se mettent à courir à côté du van pour le moment. Et le van avance. Il avance et vous vous éloignez assez pour que vous puissiez ouvrir les portières arrière du van que les Place rentrent, les portes du van se referment et vous continuez à avancer. Le reste est une longue route, difficile, morne, triste. Mais avec au fond un sacré soulagement de ton côté, Ed. Sally est encore en vie, un autre des enfants est encore en vie, et certains d'entre vous sont encore en vie aussi. Malgré le fait que certains de tes compagnons t'aient abandonné, notamment parmi ceux avec lesquels tu t'étais le plus rapidement lié dans cette communauté au final. C'est vers eux que tu t'étais naturellement dirigé à l'époque où les militaires faisaient valoir leurs lois. Et c'est la vie, parfois on est déçu par les gens. Au final, le long de votre chemin, décidant de quitter directement les lieux le plus loin possible, vous retrouverez Alexios avec sa voiture qui tournait en ville après avoir fait du mieux qu'il pouvait pour mettre le son à fond dans un stade et en attirer le plus possible. Vous l'aurez retrouvé et vous décidez donc de quitter entièrement la ville qui est à présent bien trop synonyme de mort pour chacun d'entre vous. Si tu veux parler dans Talkie-Walkie comme tu me l'as dit, tu peux le faire. Ouais. À ceux qui entendent ce message, peut-être avez-vous encore le Talkie. Peut-être vous m'entendez, j'en sais rien. Sachez que pour votre information, on a réussi à sortir. La petite est en vie. On a récupéré un petit enfant, plus 2-3 personnes. Et je crois même peut dire que les frères Place sont plutôt loyaux, contrairement à ceux qui pourraient entendre ce message. En tout cas, je vous souhaite pas une meilleure vie. Vous aurez à vivre avec ça. Vous m'avez beaucoup déçu. Mais bon, c'est la vie. À jamais. Adieu.